Il déjeuna, se mit sur le pied de guerre, c'est-à-dire qu'il s'habilla avec un soin tout particulier, et entre 2 heures et 3 heures, il se présenta au bureau du Grand Hôtel pour demander la comtesse de Lugo. L'employé au renseignement ne trouva pas tout d'abord le nom sur ses registres, mais après avoir cherché, il répondit que cette dame était arrivée le matin, qu'elle habitait au 3e et qu'elle était chez elle. Freinet prit le numéro de l'appartement et se mit en devoir d'y monter. « C'est bizarre, se disait-il en traversant la cour. Elle m'a donné son adresse hier et elle n'est ici que depuis ce matin. Je commence à croire qu'en débarquant à Paris, elle est descendue tout bonnement chez cet excellent M. Targovitz. Ça prouve que ma comtesse n'est point une vertu farouche et j'aurais tort de m'en affliger. » Il n'était pas au bout de ses étonnements. Sur le palier du premier étage, il croisa un monsieur qui descendait et qui, en l'apercevant, détourna la tête et fit semblant de se moucher, de sorte que Freinet ne put pas voir son visage, mais sa tournure lui rappela celle du Hongrois que Madame de Lugo avait rejoint la veille aux ambassadeurs. « Bon, pensa-t-il, j'arrive à propos. Un quart d'heure plus tôt, j'aurais trouvé la place prise. Maintenant, elle est libre, et je vais m'amuser à blaguer la comtesse sur les assiduités de son compatriote. Pourvu qu'elle veuille bien me recevoir. Oui, à l'heure qu'il est, elle doit avoir fini sa toilette. Et d'ailleurs, j'ai la fatuité de croire qu'elle s'attend à ma visite. » Il continua de grimper et il arriva assez essoufflé au 3e, où il perdit un certain temps à chercher, par les longs corridors, le numéro qu'on venait de lui indiquer. Il le trouva enfin. Il vit que la clé était sur la porte. Il n'avait qu'à la tourner pour entrer. Mais il résista à la tentation de surprendre la comtesse, et il frappa discrètement. Bientôt, il entendit un pas léger. On entrebâilla la porte et une femme se montra. Deux exclamations de surprise partirent en même temps. La femme l'avait reconnue et il la reconnut aussi. C'était la somnambule du café américain. C'était Olga. Elle avait changé de toilette. Elle était habillée maintenant comme une soubrette de comédie et cette nouvelle tenue ne lui allait pas mal. Au lieu de faire entrer immédiatement Freinet, la fine mouche poussa derrière elle une porte intérieure, ouvrit tout à fait celle qui donnait sur le corridor et s'avança de façon à barrer le passage aux visiteurs. « Comment, c'est vous ? » s'écria-t-elle. « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?»« Je viens voir la dame que je dois vous amener pour que vous lui disiez la bonne aventure, » répondit Freinet en riant. « Et puisque je vous trouve chez elle, pas si haut, je vous en prie, si elle vous entendait. Vous êtes donc sa femme de chambre ? Vous le voyez bien. Bon, et c'est pour aller la chercher au chemin de fer de l'Est que vous m'avez planté là cette nuit ? Oui, vous la connaissez donc ? « Parbleu, elle m'attend. Demandez-lui plutôt. Voulez-vous que je vous remette ma carte ?»« Non, c'est inutile, je vous l'ai donnée au restaurant. Je suis sûr que vous ne l'avez pas perdue, et que vous la savez par cœur. » Un coup de sonnette partit de l'intérieur de l'appartement. « Tenez, votre maîtresse s'impatiente. Allez, ma chère. Il le faut bien, mais pas un mot, n'est-ce pas ? Si madame savait où vous m'avez rencontré, madame me chasserait. Et vous en seriez réduite à tirer les cartes. C'est convenu, je ne dirai rien, à condition que vous viendrez me voir de temps en temps. » Et que vous me renseignerez sur la comtesse de Lugo et sur la vie qu'elle mène à Paris. » Olga n'eut pas le temps de répondre à cette mise en demeure. Madame de Lugo, impatientée, ouvrit elle-même la seconde porte et resta tout ébahie de trouver sa suivante causant avec un monsieur qu'elle ne reconnut pas tout d'abord. Freinet s'empressa d'aller au-devant de questions qu'il prévoyait. « Pardon, madame, dit-il en ôtant son chapeau. Votre femme de chambre qui ne me connaît pas me refuse l'entrée. J'ai insisté pour être reçue. Ai-je eu tort ?» « Non, répondit la comtesse, après avoir un peu hésité, j'allais sortir, mais puisque vous avez pris la peine de monter jusqu'ici, oh, je n'abuserai pas de vos instants. » Olga s'effaça pour laisser passer Alfred, qui se glissa dans l'appartement. Un vrai logement de voyageuse, composé de 3 pièces qui se commandaient. La première était encombrée de malles monumentales qui n'avaient pas l'air d'avoir beaucoup roulé dans les wagons de bagages, car elles étaient toutes neuves. « Vous voyez, dit madame de Lugo, je suis à peine installée. » « Et je ne compte pas faire un long séjour à l'hôtel. C'est pourquoi je n'ai pas encore ouvert mes innombrables colis. Mais j'ai un salon où nous serons beaucoup mieux pour causer. Venez, monsieur. » Puis, s'adressant à sa camériste, « Je n'y suis pour personne. » Alfred passa avec la comtesse dans ce salon bourgeoisement meublé et prit place auprès d'elle sur un canapé à 2 dossiers. Un tête-à-tête en langage de tapissier. Il avait eu soin de fermer la porte en entrant et Olga, qui était restée avec les malles, ne pouvait pas le gêner. « J'avoue, dit madame de Lugo, que je ne m'attendais pas à vous revoir. Je pensais que vous n'aviez pas pris au sérieux une conversation à bâton rompu sur la terrasse d'un café-concert. « Alors, vous m'en voulez d'être venu ? » demanda vivement Freinet. « Non, mais je crains de m'être beaucoup trop avancé en vous promettant de vous recevoir. » « En qualité d'ami, ce serait très bien. Vous êtes du même monde que moi, et hier, vos joyeux propos m'ont, j'en conviens, beaucoup diverti. Malheureusement, vous autres Français, vous ne savez pas vous contenter de peu, et je prévois que vous me demanderez davantage. C'est possible, mais vous serez libre de ne rien m'accorder. Et en attendant, nous pouvons causer. C'est innocent, la causerie. Qu'avez-vous fait de M. Tergovitz ? Peste, comme vous retenez les noms. Il est figure, donc. Je viens de rencontrer ce seigneur dans votre escalier, et je l'ai reconnu tout de suite. Il sort d'ici, en effet. Vous n'y trouvez pas à redire, je suppose. Moi, j'ai bien des défauts, mais je ne suis pas jaloux. Jaloux, répéta la comtesse en éclatant de rire. Et de quel droit seriez-vous jaloux de moi ? Le fait est que ce serait prématuré. D'ailleurs, il est très bien votre Hongrois, et j'espère qu'après le concert, il vous a montré quelques coins intéressants du Paris inconnu que vous aspirez à connaître. Mon Dieu, non. Il m'a mené prendre une glace au café napolitain, et il m'a quitté avant minuit à la porte de cet hôtel. J'étais là si j'avais sommeil. Moi pas. J'ai pensé à vous toute la nuit, et je me suis couché à 5 heures du matin. Quand je suis amoureux, je ne peux pas dormir. Amoureux, vous ? Avouez donc la vérité. Vous avez passé la nuit à jouer ou à souper. Je ne dis pas le contraire. C'est ma façon à moi de guérir mes chagrins de cœur. Cette fois, le remède ne m'a pas réussi. J'ai perdu beaucoup d'argent et je suis plus épris de vous que jamais. Ça se passera, mais la perte reste. Et si elle est grosse ? Oh, elle ne me gêne pas. J'ai assez de fortune pour me payer quelques fantaisies chères. Et il en est une que je rêve de satisfaire. Y parviendrai-je ? Cela dépend de vous. De moi ? Parfaitement. J'ai hérité l'an dernier d'un oncle qui m'a laissé un joli petit hôtel à Passy, rue Mozart. Je ne l'ai pas encore loué, et je n'ai jamais pu me décider à l'habiter. C'est trop loin, et je préfère mon entresol de la rue de l'Arcade. Ah, vous demeurez rue de l'Arcade ? Numéro 19. Hier, j'ai oublié de vous le dire. J'ai là une garçonnière assez bien installée, mais je me suis mis en tête de louer à une jolie femme mon immeuble de la rue Mozart. Je serai coulant sur le prix. Pourvu que ma locataire me permet d'aller tous les jours lui faire ma cour à domicile, je ne lui présenterai jamais les quittances de loyer. À ces conditions-là, vous n'aurez pas de peine à en trouver une, surtout si l'hôtel est meublé. Il le serait d'ici à 15 jours. Mon tapissier s'en chargerait. Mais je ne voudrais pas loger la première venue. Pourquoi ne seriez-vous pas la locataire que je cherche ? Vous êtes fou. Pas le moins du monde. Vous ne signeriez pas de bail et vous seriez toujours libre de donner congé. Mais pendant le temps que vous passerez à Paris, vous seriez infiniment mieux chez moi qu'à l'auberge. Et je ne vois pas pourquoi vous n'accepteriez pas ma proposition. Parce qu'elle n'est pas sérieuse, dit la comtesse, en regardant Freinet dans le blanc des yeux. La comtesse était en figure ce jour-là, et vêtue à son avantage. Ses yeux brillaient d'un éclat singulier, et sa robe de chambre serrée à la taille faisait valoir son buste opulent. Freinet la trouvait 100 fois mieux ainsi qu'en grande toilette, comme la veille, et il lui aurait volontiers offert bien plus qu'un hôtel et un mobilier, car elle se sentait mordue par une de ces fantaisies auxquelles il ne savait pas résister. « Alors vous croyez que je me moque de vous, » dit-il. « Que faut-il faire pour vous prouver que je parle sérieusement ? Voulez-vous venir à Passy avec moi ? Je vous ferai visiter l'hôtel, et nous passerons ensuite chez mon tapissier. »« Pardon, c'est un marché que vous me proposez là, » interrompit Madame de Lugo, « et je ne suis pas venu à Paris pour faire des affaires. J'y suis venu pour m'amuser. » »« Je l'entends bien ainsi, et je vous promets que si vous vous y ennuyez, ce ne sera pas ma faute. Acceptez-vous ? Alors, vous vous imaginez que je vais vous répondre oui ou non, tout bonnement, comme s'il s'agissait d'aller faire un tour au bois de Boulogne. Quelle singulière idée vous avez de moi ! Et que penseriez-vous si je disais oui ? Je penserais que vous êtes une femme supérieure, qui se moque des préjugés, et qui fait ce qu'elle veut, sans se préoccuper de l'opinion des sots. De plus, je serais ravi, parce que, si vous acceptiez, ce serait la preuve que je ne vous déplais pas. Eh bien, soyez heureux. Vous ne me déplaisez pas du tout. Ce n'est pas une raison pour que je devienne votre maîtresse, et surtout pour que je vive à vos dépens. Libre à vous de n'y pas vivre. Vous aurez le droit de payer vos termes, et moi j'aurai le droit de ne pas les encaisser. Vous plaisantez toujours. Pas du tout. L'arrangement que je vous propose est très sensé. Vous m'avez dit hier que vous cherchiez à Paris une installation convenable. Je vous offre ma maison. Donnez-moi la préférence. Je demande à réfléchir, dit en riant la comtesse. En d'autres termes, vous voulez consulter M. Tergovitz. Je ne consulte jamais que ma volonté. Et vous vous méprenez complètement sur la nature des relations que j'entretiens avec mon compatriote. Il a été l'ami de mon père. Vraiment, il paraît tout jeune. Il est un peu plus âgé que moi. J'aurais dû dire le pupille de mon père. Nous avons été élevés ensemble. Du reste, vous ne le rencontrerez plus, car il vient de m'annoncer qu'il part ce soir. De graves intérêts le rappellent en Hongrie. Parfait, s'écria Freinet. Alors, c'est convenu ? Mais non, je ne suis pas décidé. Vous vous déciderez, je vais toujours commander les meubles. Quel extravagant vous faites. Nous nous connaissons à peine, et vous voulez à toute force que je lie ma destinée à la vôtre. Si vous vous êtes toujours gouverné de cette façon-là, vous avez dû faire bien des sottises. Quelques-unes, mais je ne trouverai jamais une si belle occasion de recommencer, et je serai ravi de me ruiner pour vous. Je n'y tiens pas du tout. Et puisque vous parlez de consulter, je vous engage à consulter votre ami M. Gémozac, que vous m'avez présenté hier. Demandez-lui ce qu'il pense de votre beau projet. S'il vous conseille d'y donner suite, je m'engage à devenir votre locataire. Gémozac se récuserait, mademoiselle Camille Monistrol occupe toutes ses pensées, et il ne s'intéresse plus à mes amours. Il s'est mis en tête de découvrir l'assassin de feu Monistrol, et pour peu que dure cette autocade, il finira par s'engager dans la police de sûreté. Ce n'est pas moi qui l'en blâmerai. Je vous saurai gré de me tenir au courant de ce que fera votre généreux ami pour aider cette jeune fille à venger son père. Je n'y manquerai pas, et je vous remercie de me donner l'assurance que nous nous reverrons souvent. Vous aurez un rapport tous les jours tant que vous serez encore au Grand Hôtel, et encore plus souvent quand vous habiterez rue Mozart. Permettez, je n'ai pas dit que je consentais. C'est tout comme. Demain, je viendrai vous prendre, à midi, pour aller avec moi choisir les meubles. Dînons-nous ensemble ce soir? Non, vous allez sortir. Et je veux vous prouver que je ne serai jamais gênant. À propos, vous garderez votre femme de chambre, n'est-ce pas? Mais, monsieur, je vous répète que... Vous ferez bien. Il y a là-bas de quoi la loger, et deux autres domestiques en plus. J'entends que vous montiez votre maison sur un bon pied. L'hôtel n'a pas d'écurie, mais je me charge de louer pour vous une voiture au mois qui sera aussi bien tenue et aussi bien attelée que n'importe quel équipage de maître. Ce n'était pas l'aplomb qui manquait à Madame de Lugo, mais Alfred en avait encore plus qu'elle, et il avait si bien pris le dessus qu'elle ne savait que lui répondre, ni comment mettre un terme à ses hardiesses. Il ne lui laissa pas le temps de se remettre. « Je prends des arts, dit-il en baisant la main jusqu'au coude, et je m'en vais. À demain, chère comtesse. Je rêverai de vous cette nuit. » Et, se levant subitement, il sortit avec tant de vivacité qu'il faillit renverser Olga qui écoutait à la porte. Il la menaça du doigt et, comme elle le reconduisit jusque dans le corridor, il trouva moyen de lui dire tout bas, en lui glissant un billet de 100 francs dans la main, « Tu vois que je paye bien. Tâche de me servir comme il faut. Tu gagneras plus d'argent qu'à tirer les cartes. Bouche close avec ta maîtresse. Tu sais où je demeure. Viens me voir quand tu voudras, le matin de 10 à 11. J'aurai un tas de choses à te demander. » Et je ne marchanderai pas le prix des renseignements que tu m'apporteras. » Olga resta abasourdie et Freinet descendit 4 à 4 les marches de l'escalier. Il était enchanté de sa visite et il se disait « Enfin, je vais donc m'amuser un peu. Cette Hongroise est superbe et elle croit que je la prends pour une vraie comtesse. Si la soubrette ne me trahit pas, la maîtresse ne s'apercevra jamais que je sais à quoi m'en tenir sur sa noblesse et je rirai bien en la faisant poser. Sans compter que son histoire doit être drôle. » Et que je finirai par la savoir. Il m'en comptera un mobilier, mais quand j'en saurai assez de la belle aux cheveux d'or, mon tapissier me le reprendra, et je n'espérais pas louer avant l'année prochaine la bicoque de mon oncle. Je ne risque donc pas grand-chose, et je suis à peu près sûr de passer agréablement l'été. Dans tous les cas, je m'ennuierai moins que ce grand nigaud de Gémozac, qui va passer son temps à filer le parfait amour avec l'orpheline du boulevard Voltaire. J'aime mieux consoler la veuve du Grand Hôtel. » Sur cette sage conclusion, Freinet alluma un cigare et s'achemina vers son cercle, où il comptait rencontrer son ami Julien.